Le premier quartier de conte. Récit SN en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le premier quartier. Amédée de Noé. Vous devez avoir lu dans un roman ou deux l'histoire de ces amoureux qui, se quittant un soir de pleine lune, pour ne plus jamais se revoir, mirent l'astre dans leur fortune, jurant de le venir consulter chaque soir, chacun de son côté, toujours à la même heure, pour se dire de loin, « Je pense à toi, je pleure, je t'aimerai toujours, chose bonne à savoir, douce correspondance, épargnant à la fois timbre, temps et papier, ignorant l'orthographe et bravant la distance, sans crainte des parents, des amis, des portiers. Douce correspondance. Donc, il s'était quitté. Pendant les premiers jours, tout alla pour le mieux. La lune, pleine et ronde, était propice aux longs discours. On s'adressait les mots les plus drôles du monde. Bref, on se conduisait comme nouveau époux. 3 jours après, la lune étant un peu moins large, tout allait bien encore. Pourquoi le tairions-nous? On remplissait sa page, on écrivait en marge, on faisait son devoir comme moyen époux. On façonnait son style, on en était aux phrases. Mais on sait que l'amour et la lune ont leur phase. La lune fut bientôt réduite de moitié. On s'aimait encore, mais, de même, quand petit lait tourne la crème, l'amour tournait en amitié. Vieux époux, et la page maligne allait toujours s'amincissant. À peine en restait-il pour écrire en ligne. Bientôt, il ne resta qu'un tout petit croissant. De là, le mauvais sang qu'on attache à ce signe, puis un reflet vaporeux, pâlissant. Puis rien, et la lune nouvelle ne vit pas plus l'amoureux que la belle. Et n'en fut pas surprise, ayant appris là-haut que les feux les plus vifs s'éteignent le plus tôt. Ô vous qui jurez par la lune, si vous voulez aimer pendant un mois entier, la chance n'est pas si commune. Ayez soin de la prendre à son premier quartier. Fin 2. Le premier quartier. Enregistré par Issam.